ce fut la Madelon qui découvrit le poteau rose. Ayant donné rendez-vous à son nouvel amoureux, le cadet Caillot, celui-ci, ne trouvant pas la clé du pigeonnet, enfonça la porte, y découvrant Landry et la petite Fadette. Et pour se venger d'elle, la Madelon, avec la complicité d'une ou deux fillettes, s'assure des liens entre Landry et la Fadette avant d'ébruiter la chose dans tout le pays. Le père Barbeau fit des reproches publics à Landry pour cette liaison. Landry se défend alors devant ses parents.